Je t'aime au-delà des flots sans retour. Je t'aime au-delà des mots de la vie. Je t'aime au-delà des lueurs du jour. Je t'aime au-delà de l'âme ravie. Je t'aime au-delà même de l'amour.